moi. On sait qu'on y annonce. Là où tout croyant, on a mon séduit à ce jour. Ça soit tout prix à mon bon. On bien, c'est ni peu bien, on va m'en désolé pour la mauvaise. Là où mon séduit à son vrai séduit. Il y a un tout fou, il y a mon bon. I don't know. Thank you.

Oh, Thank you.